J'en ai marre, Babylone, j'en ai marre, faut les jeter dans la mare. J'en ai marre de Sarkozy, j'en ai marre de Le Pen au Simon, j'en ai marre, faut les jeter dans la mare. J'en ai marre de Sataniste, j'en ai marre des polulistes, j'en ai marre, faut les jeter dans la mare. J'en ai marre des bloclates, j'en ai marre des vampires, j'en ai marre, faut les jeter dans la mare. Écoutez, monsieur le policier, je sais que nos deux jambes vous voulez les scier. Je sais que vous voulez nous voir nous agenouiller, mais c'est dans le mal que vous vous êtes mouillé. Si vous croyez que vous pouvez nous insulter et puis mal nous parler et puis nous tabasser, si vous vous croyez les plus forts du monde entier, son système éclate votre dentier. J'en ai marre des politiciens, j'en ai marre des Babylone, j'en ai marre, faut les jeter dans la mare. J'en ai marre de Sarkozy, j'en ai marre de Le Pen au Simon, j'en ai marre, faut les jeter dans la mare. J'en ai marre de Sataniste, j'en ai marre des polulistes, j'en ai marre, faut les jeter dans la mare. J'en ai marre des bloclats, j'en ai marre des vampires, j'en ai marre, faut les jeter dans la mare. Petit policeman, tu veux m'arrêter, car de ta journée, tu n'as rien à branler. Oublie le ganja magnétique, plus important à stopper. Les businessmen qui détournent des thunes et que leur la veulent la poser. Mais tu ne peux les arrêter, car tu ne serais plus payé pour ce qui est des papiers. Je te les donne sans rechis, mais je n'en pense pas moins que d'avoir tes papiers d'identité. C'est comme pour être du gibier répertorié. If you want some trouble with me, hey, oh, Mr. Policeman, I'm sorry. Je dois m'en aller, cause I must go to play reggae music. If you want some trouble with me, hey, oh, Mr. Policeman, I'm sorry. Je dois m'en aller, cause I must go to play acoustic music. Mais c'est j'en mes warnings, le couvre-feu est lancé, mais c'est mes warnings. La police est déjà postée, entraînée pour nous arrêter. L'État envoie son armée, histoire qu'on oublie tout ce qui s'est passé. Hey, ça n'empêche qu'aujourd'hui beaucoup de jeunes sont vénères. Ça n'empêche qu'aujourd'hui beaucoup de familles sont vénères. Quand tu vois ce que les politiciens disent et ce qu'ils font aujourd'hui, rien n'a changé, si ce n'est encore plus de misère. C'est pour ça, hey, t'es le plus bad, t'es la terreur, t'es le plus charmé. Tout le monde dans le quartier a peur de toi, tu les fais flipper. T'es respecté partout, c'est toi qu'on vient écouter. C'est toi qui contrôle le vice, faut mieux pas t'aider. C'est policeman, hey, t'es le plus bad, t'es la terreur, t'es le plus charmé. Tout le monde dans le quartier a peur de toi, tu les fais flipper. T'es respecté partout, c'est toi qu'on vient écouter. Écouter, écouter. Les galettes, j'avoue de la légalité. Ne parlons pas de la fraternité. Moi, je vois le peuple paniqué. Tout le monde a battu fatigué. Pendant, pendant que le peine de la note, tire bon le ticket. Je crois que la belle appliquée. Ils ne savaient pas que les DJ sont appliqués. Wagamuffin, les lyrics sont appliqués. Messieurs de la censure veulent nous kidnapper. Nos decks, nos flows, mais aussi nos idées. J'en ai marre des politiciens, j'en ai marre. Babylone, j'en ai marre. Faut les jeter dans la mare. J'en ai marre de Sarkozy, j'en ai marre. De Le Pen au Simon, j'en ai marre. Faut les jeter dans la mare. J'en ai marre de Sataniste, j'en ai marre des polulistes, j'en ai marre. Faut les jeter dans la mare. J'en ai marre des bloclats, j'en ai marre des vampires, j'en ai marre. Faut les jeter dans la mare. La police partout est postée, soi-disant pour la sécurité. De qui, de quoi, de ce qu'on perd de monnaie. J'en ai marre d'être surveillé de trop près. Tcha! De leurs uniformes et de leurs galons, ils viennent profiter. Ouais. Être désagréable avec toi et mal te parler. Ouais. Tout ça pour que tu sois chaud et que tu viennes rétorquer. Ouais, ouais. Et tu finis par te la fermer pour ne pas te faire renfermer. Hello. If you want some trouble with me, hey, oh, Mr. Policeman, I'm sorry. Je dois m'en aller, cause I must go to play reggae music. If you want some trouble with me, hey, oh, Mr. Policeman, I'm sorry. Je dois m'en aller, cause I must go to play acoustic. Ouais, ça fait longtemps que dans la place tout le monde te connaît. Quand tu prends la parole, faudrait mieux pas te couper. T'es trop important pour qu'on vienne te bousculer. À quoi t'es victime, on ne t'oublie jamais. S'il faut te croiser un jour sur ton chemin, autant que ce soit pour toi, mais oui, un jour bien. Car si pas malheur dans tes affaires, man, on intervient. Pour voir demain, faudrait mieux s'enfuir, partir loin. C'est pour ça que je te le dis, policeman. T'es le plus bad, t'es la terreur, t'es le plus charmé. Tout le monde dans le quartier a peur de toi, tu les fais flipper. T'es respecté partout, c'est toi qu'on vient écouter. C'est toi qui contrôle le bis, faut mieux pas te tester. Je te le dis, policeman. T'es le plus bad, t'es la terreur, t'es le plus charmé. Tout le monde dans le quartier a peur de toi, tu les fais flipper. T'es respecté partout, c'est toi qu'on vient écouter. Mais y'en a marre, y'en a marre, y'en a marre. Y'en a marre des politiciens, y'en a marre. Les politiciens, j'en ai marre, faut les jeter dans la mare. J'en ai marre de Sarkozy, j'en ai marre de Le Pen aussi. J'en ai marre, faut les jeter dans la mare. J'en ai marre de Satanis, j'en ai marre des polémistes. J'en ai marre, faut les jeter dans la mare. J'en ai marre des blancs grattes, j'en ai marre des vampires. J'en ai marre, faut les jeter dans la mare. Parce qu'ils nous jettent dans la mare, you know. Yeah, dans la mare au connard. Au canard ou au connard?